L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Silema Hemen. Paz e felicidade a todos. Gawai Homa. Chuk Gawai. Ping On Kin Hong Fai Lo. Adanish Lushulmu. Bonjour, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou internationale. Je suis Melissa Suarez El Real et je voudrais dédier notre programme d'aujourd'hui aux différents langues qui ont été créées de manière synthétique dans l'Institut de la recherche linguistique du Pokajou. Toute cette histoire a commencé, ça fait déjà plusieurs années. En fait, c'était l'année 1970, quand le voyageur, la fusée, a été lancée dans l'espace. À l'intérieur de cette fusée, et comme tout le monde peut-être le sait déjà, il y avait, ou il y a toujours, un disque en or qui contient l'enregistrement de différentes langues du monde, aussi que la musique des différentes parties du monde. Mais malheureusement, le Pokajou n'a pas été inclus ni dans l'enregistrement de langues, ni dans la sélection musicale, ce qui était quelque chose de très dur pour les peuples pokajoutiens, un peuple qui abrite dans son territoire la plus grande médiathèque musicale du monde, et un peuple qui aussi, leur principale activité économique, c'est la musique, le son, les dubbing, des sons de couverture, enregistrement, mixage, etc. Alors, les gens étaient vraiment déçus. C'était pour ça que le Maharaja ancien, Rika Pajol III, a voulu lancer une fusée entièrement pokajoutien avec un disque qui, hypothétiquement, contiendrait toutes les langues du monde, aussi qu'une sélection musicale faite par lui-même. Mais malheureusement, à cette époque-là, le Maharaja était déjà très très malade et c'était en fait vers la fin de l'année 78 quand il est finalement mort, et avec lui était aussi mort l'idée de lancer une fusée pokajoutienne. Aussi, l'idée de faire une grande compilation de toutes les langues du monde s'avérait de plus en plus difficile parce que même pendant l'année d'enregistrement, les chercheurs se sont rendus compte que en fait, plusieurs des langues qu'ils voulaient enregistrer étaient déjà en train de disparaître. Mais en fait, son fils, Riamuni, le troisième, s'est rendu compte que toutes ces langues qui disparaissaient avaient des importantes traces, des importantes caractéristiques qui, à la fin, pouvaient être intéressantes pour le peuple pokajoutien et pour sa principale ressource, ça veut dire le monde du son, d'enregistrement, etc. Et finalement, il a décidé de créer l'Institut de la recherche linguistique du Pokajou, qui aujourd'hui continue à créer des langues synthétiques à partir de ces langues qui ont disparu pendant toutes ces années. Thank you. d'écouter Oaeo du musicien indonésien Iwayan Sadra, une chanson formée que par des voyelles. Je suis Mélissa Suarez El Real, vous entendez Radio Pokajou International et aujourd'hui on parle des anciens projets spatials du Pokajou et de comment cela a reconduit à la recherche linguistique dans le pays. Avec la mort de Rikapajou le troisième et la découverte de cette incroyable perte des langues, c'est que le nouveau arrivé au pouvoir, le Maharaja Rakamuni le troisième, a décidé de reprendre le projet de son père, mais d'une façon beaucoup plus productive. Vu que le son et la musique jouent un rôle tellement important dans l'économie du Pokajou, le nouveau Maharaja a décidé de continuer à enregistrer toutes les langues qu'il était possible avec l'aide des enseignants et académiques les plus brillantes. Et bon, la politique a changé un peu parce qu'ils ont décidé d'enregistrer d'abord les langues qui étaient dans un danger de disparition imminente. C'est pour ça qu'il a créé le IPRL, l'Institut Pokajoutien de la Recherche Linguistique. Avec tous ces enregistrements, les chercheurs ont commencé à créer des langues artificielles qui incorporent plusieurs atouts des langues mortes. C'est une idée un peu difficile, mais bon, il faut seulement expliquer que dans certains cas, les langues apportent à la personne qui la parle une façon unique de penser et de s'exprimer. Alors si on prend ça et on l'incorpore dans une nouvelle langue, la perte de cette ancienne langue est moins grave. Les atouts des langues moribondes, pour les rappeler d'une façon, ne sont uniquement psychologiques ou philosophiques. Parfois, il s'agit de vertus tout à fait pratiques, spécialement quand elles ont une relation avec le son et l'entraînement musical. L'utilisation plus élevée de voyelles, dans certains cas, s'est avérée un excellent entraînement pour la correcte vocalisation, ce qui, dans les langues avec plus de consonantes, se pratique pas trop. L'une des langues créées artificiellement, c'est justement le Oaeo, et la chanson qu'on vient d'écouter est un modèle de son fonctionnement. Plusieurs acteurs de doublage apprennent le Oaeo pour apprendre une vocalisation plus correcte, et comme ça, ils peuvent faire leur travail d'une meilleure façon. On va continuer avec une autre pièce musicale qui nous montre le genre de qualité et qui pourrait se perdre sans le travail des ingénieurs de IPRL. La chanson suivante nous montre la façon dont certaines langues de l'Amérique du Sud incorporent le chant des oiseaux dans leur propre langage. Cela permet de se communiquer avec les oiseaux et savoir s'il y a des dangers dans la zone, tels qu'un puma ou une serpente. Voici Imasumak avec Chancho. Thank you. Voilà la chanteuse péruvienne Ima Sumac qui disait être descendante directe de la royauté Inca. Je suis Melissa Suarez del Real, vous entendez la radio Pocahontas International. Et Ima Sumac, avec sa voix, bon, c'est clair que peut-être elle a quelque chose de divin, de supranaturel ou de royal au moins. Et dans cette chanson sans mots, elle montre le langage des oiseaux et incorpore tous ces bruits dans sa musique. La connaissance des sons des oiseaux, bien sûr, a beaucoup aidé à Ima Sumac à devenir l'une des chanteuses les plus célèbres de l'époque, dans les années 50, et parce qu'elle avait un rang vocal immense. Cet enregistrement en particulier a été étudié par l'Institut de la Recherche Linguistique pour plusieurs raisons. En fait, on pense avoir trouvé les sons de plus de 50 espèces d'oiseaux reproduits par la chanteuse. Et les ornithologues les plus extrêmes sont capables de dire même qu'il s'agit d'une chanson d'amour très tragique. Selon eux, c'est l'histoire d'une femme qui demande aux oiseaux qui l'entourent s'ils ont vu un homme. Et les oiseaux répondent qu'effectivement, ils l'ont vu, mais qu'il a été mordu par un serpent. La femme continue à chercher son homme parmi les autres oiseaux et continue à lui décrire, mais elle n'obtient jamais une réponse. Ce type de code musical qui incorpore les bruits des animaux, selon le chef de recherche de l'Institut de linguistique, pourrait être très intéressant et avoir une application pour la téléphonie et même pour la défense. C'est pour ça qu'on est en train de créer une langue entièrement formée par des sons appris des oiseaux des régions tropicaux ici dans l'Institut de la recherche linguistique. On a choisi Malerina de Shugoto Kumaru pour finir notre programme. Merci de nouveau de nous avoir accompagnés. Je suis Melissa Suarez del Real et à la prochaine.